Au sport. Le 16 février, dans la Ligue de hockey sans contact juvénile, Louis Saint-Laurent visite la Frontalière à Quaticook à 16 h.